Les trois orfèvres de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. Quand, auprès de sa cifraine, si complaisante et si jolie, deux mois entiers, un peu goulue, car les paysans ne boudent guère au bon repas, il eut, tour à tour, savouré toutes les joies du mariage, la lune de miel déclinant, père Tony se sentit devenir inquiet et le soupçon entra dans son âme. « Non, disait-il en se mirant, idée qui, jusque-là, ne lui était pas venue, dans le bassin de pierre où sa bourrique buvait, non, jamais je ne pourrais croire que, grossier comme je me vois et fine de partout comme elle est, cifraine n'ait jamais aimé que moi. » Père Tony admettait la chose et, le cas échéant, n'en eût pas autrement voulu à Cifraine. Seulement, pour sa tranquillité, il aurait désiré être fixé et savoir, une bonne fois, si avant l'anneau d'argent, Cifraine, oui ou non, s'était prêtée à quelqu'un d'autre et comment cet autre se nommait. C'est ainsi que l'homme, marié surtout, prend plaisir à gâter sa vie et devient son propre tourmenteur. Père Tony, un beau soir, ouvrit donc son âme à Cifraine. Eh Dieu, mon pauvre Perret, répondit-elle dans un éclat de rire qui, sous des lèvres plus charnues que la chair d'une pêche ouverte, laisse avoir des dents plus brillantes que les cailloux au fond de l'eau, qui vous a mis ce follet en tête ? N'est-ce point assez que de plein gré je sois venu habiter votre cahute, vous aimant bravement à la mesure de mon cœur, gouvernant le bétail tandis que vous peignez aux champs et tenant fumante la soupe que le soir nous mangeons ensemble, sans que vous vous inquiétiez d'apprendre si quelqu'un, par hasard, m'a trouvé jolie alors que je ne vous connaissais pas. Souvenez-vous, Perret, vous me disiez « Je te prends comme tu es, Cifraine. » Et je vous répondis, « À moins qu'il n'y ait de votre faute, tel vous me prenez, père Tony, et tel je vous resterai. » Père Tony aurait dû se contenter de cette explication loyale. Il était têtu, il insista. « Pourquoi m'obliger à mentir ?» soupirait Cifraine, qui maintenant ne riait plus. « Ne mens pas et souffle-moi simplement son nom, tout bas, si tu veux, dans l'oreille, puisque dès à présent je pardonne, puisque je jure de tout oublier aussitôt après avoir entendu. » Alors Cifraine se décida. « Eh bien, fit-elle, c'est l'orfèvre. J'allais seule parfois au marché de la ville et un jour l'orfèvre me donna... « Quel orfèvre ? C'est qu'il y a plusieurs orfèvres. Te rappelles-tu son nom, sa boutique ? » ?»« Hélas, non, Perret. Chez l'orfèvre, une jeunesse innocente ne regarde guère qu'aux bijoux. Pourtant, si vous teniez à savoir, je vais tout de suite vous donner le moyen de le reconnaître. » Et Cifraine, docilement, pour faire plaisir à son mari, quelque absurde que lui parussent ses désirs, alla chercher dans la huche à pain qui servait aussi d'armoire un petit coffret qu'elle ouvrit. On n'ignore pas qu'au temps des contes, ceci du reste n'est qu'un conte, les paysannes les plus pauvres, pour aller à la messe ou à la danse, se paraient d'autant de bijoux qu'aujourd'hui les plus riches dames. Cifraine en avait provision qu'elle tenait par héritage de sa mère et de ses mères grands, autrefois belles et coquettes comme elle. Mais laissant au fond du coffret ronds d'oreilles, gorgerins et bagues, elle y prit seulement un coulant de cou émaillé de fleurettes bleues et un Saint-Esprit au bec duquel une pendeloque en forme de poire tremblotait. Voilà ce que m'a donné l'orfèvre. C'est précisément jour de foire. Il n'y a qu'à montrer les deux bijoux. Tout le monde vous dira de qui peut être le travail. » Et père Tony, ayant endossé sa peau de bique, prit son bâton, sifflait son chien, descendit, plus calme déjà, vers la ville. La ville possédait deux orfèvres surtout célèbres, Maître Milon et Maître André, vieux tous les deux, mais gaillards encore et connus dans le pays pour éblouir au miroir de leur dorure, comme on fait quand on chasse à l'alouette, les fillettes qui voulaient bien. Le premier auquel s'adressa Père Tony se trouva être Maître Milon, petit homme sec et malicieux, en train, pour le quart d'heure, de regarder à la loupe une vieille monnaie d'empereur romain, se demandant s'il vaudrait mieux la fondre à cause de la pureté du métal ou la mettre en réserve dans son médaillé pour la vendre très cher à quelque passionné numismate. Pendant que Père Tony expliquait son cas et lui montrait le coulant de coups, Maître Milon, qui se rappelait quand et comment il l'avait donné, regardait en dessous, non sans inquiétude. Mais s'apercevant que Père Tony parlait de Francoeur et combien il était bonne bête, « Ami, dit-il, votre compte est bon. Ceci sort de chez Maître André. Votre femme n'est pas la seule qu'il ait, la pauvre, ainsi mise à mal. Ce gredin est coutumier du fait, bien qu'il feigne la dévotion et qu'il fournisse l'archevêque. » Et sur le conseil de Maître Milon, Père Tony s'en alla trouver Maître André. Maître André, tout rouge avec des cheveux gris, s'essoufflait pour le quart d'heure sur la flamme de son chalumeau à ressouder tant bien que mal une bague de fiançailles. Père Tony expliqua de nouveau son cas. Maître André, bien qu'il reconnût son Saint-Esprit et se rappela parfaitement la jolie fille à qui il en avait naguère fait hommage, s'écria, les bras levés au ciel. « Que me chantez-vous là, mon brave? Mais ce Saint-Esprit sort de chez Milon. La chose saute aux yeux. Il n'y a qu'à voir le travail. Dire qu'il est prieur des confrères de l'Ascension et que l'on confie à la garde d'un pareil mécréant la robe de brocart, le manteau de perles et les joyaux de Notre-Dame. » Or, Père Tony s'en allait par les rues, perplexe et ne sachant auquel des deux croire, quand il aperçut la boutique d'un troisième orfèvre. C'était celle de Maître Honorat, jeune garçon tout nouvellement établi. « Hélas, répondit-il à Père Tony, c'est bien de l'honneur que vous me faites, mais les bijoux ne sont pas de moi, je le regrette, croyez-moi. Le coulant de cou est de Milon, un vieux ladre qui bourde plâtre afin qu'elles paraissent peser plus lourd, les parures qu'il donne aux filles, et le Saint-Esprit de Maître André qui, plus ladre encore, s'en tire avec de l'or faux. Alors, vous croyez que tous les deux... Voici la preuve. En effet, le Saint-Esprit, frotté sur la pierre noire, n'y laissa qu'une vague trace cuivrée qu'un peu d'acide fit disparaître. Et, percé d'une fine pointe d'acier, le coulant saupoudra le tablier de l'établi d'une pincée de poussière blanche. « Quant à moi, conclut Honorat, quand je fais des présents aux filles, c'est du moins à poids loyal et en vrai or. » Relativement satisfait, Père Tony, qui avait des moutons à marchander, s'en alla faire un tour de foire. Après tout, songeait-il, orfèvre pour orfèvre, j'aime encore mieux deux orfèvres vieux et laids comme Maître André et Maître Milon qu'un jeune comme Maître Honorat. Père Tony, on le voit, avait quelque philosophie. Cependant, Maître Honorat réfléchissait et, après avoir dûment réfléchi, il conclut que la femme de ce bon rustre devait être, était à coup sûr, certaines villageoises fort éveillées, que souvent, les jours de marché, il avait surprise le regardant avec un sensible intérêt à travers les chaînes d'or de sa vitrine. L'idée que Maître André, que Maître Milon lui avait offert des bijoux avant lui, la lui fit aussitôt paraître encore plus belle. Si j'allais lui faire visite puisqu'elle est seule et que ce brave père Tony m'a indiqué le logis. mais c'est grande foire aujourd'hui. Quel dommage d'avoir à garder la boutique !» Enfin, n'y tenant plus, il prétexta d'une commande pressée, confia le comptoir à son commis, brida son bidet, prit le coffret cerclé de fer qu'il emportait d'ordinaire dans ses tournées et le voilà trottant du côté de la montagne. « Salut, dit-il, belle Cifrène, votre mari, que je quitte tout à l'heure, a daigné m'apprendre une chose dont je fus grièvement fâché. Pourquoi, lorsque vous veniez à la ville, acceptâtes-vous les bijoux de maître Milon et de maître André, tandis que vous n'aviez que mépris pour les miens ?» Cifrène écoutait rougissante, tandis qu'Honora étalait sur l'appui-bas de la fenêtre le contenu de son coffret, constatant que toute chose s'arrange pour le mieux en ce monde, puisque le hasard fait ainsi servir la sottise des maris à la fortune des amoureux. Le soir, père Tony, quand il revint, trouva la soupe prête et Cifrène toute réjouie. Après qu'il eut conté son voyage, « À quelle heure, lui demanda Cifrène, avez-vous quitté le troisième orfèvre ?»« 1 heure avant midi. » De lui, j'eusse volontiers été jaloux, mais il m'a juré ne point te connaître et que le coulant de cou ni le Saint-Esprit ne sortaient de ses ateliers. « Eh bien, père Tony, sur mon âme, c'est bien le seul qui, de la journée, vous ait dit la vraie vérité. » Et dans le petit coffre dont elle gardait la clé, à côté du coulant bourré de plâtre et du Saint-Esprit en or faux, Cifrène, riant toujours, mais cette fois le cœur ému, déposa un de ses bracelets de forme antique dont, aux époques de barbarie, les paysannes provençales se servaient pour suspendre leur éventail alors qu'elles allaient au champ. Tiré du recueil, Le midi bouge.